إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc on commence aujourd'hui le cours 102 ça paraît beaucoup hein, son nom est 102 mais en tout cas c'est le chapitre 38 aujourd'hui. Les derniers chapitres sont plus courts que les premiers, donc même si ça paraît beaucoup, qu'on n'est pas rendu loin encore, il y a 67 chapitres en tout, donc vers la fin, Inch'Allah, ça va aller plus vite qu'au début. Donc le titre aujourd'hui c'est « Babun man ata' al-ulama wal-umara fi tahrim ma ahallallah wa tahlil ma harramahullah faqad ittakhadahum arbaban » Ça veut dire, celui qui obéit les ulama et les umara, c'est-à-dire les dirigeants, les savants et les dirigeants, dans le fait de rendre haram ce qui est halal, ce qu'Allah a rendu halal, c'est-à-dire il veut interdire ce qu'Allah a permis, ou bien de rendre halal ce qu'Allah a rendu haram, c'est-à-dire de rendre halal ce qui est interdit dans l'islam, de rendre permis ce qui est interdit dans l'islam. Alors quand quelqu'un fait ça, c'est comme s'il a pris des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Et le chapitre donc qu'on étudie aujourd'hui, c'est ça le sujet, ça c'est le sujet, d'accord? Et ce chapitre-là, c'est un des chapitres que les gens parmi les khawarij d'aujourd'hui, comme les sururiya, les qutbiyin et les autres tabi'a de cette tendance, ils se concentrent uniquement sur ce chapitre-là, dans Kitab al-Tawhid, ainsi que celui qui suit, hein, le chapitre 39. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est l'important dans le Tawhid, c'est seulement al-Hakimiyya. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a rapport avec Tawhid et le fait que, par exemple, il faut établir la charia, soi-disant, selon eux. Puis, ils utilisent cette question uniquement pour le but de faire le takfir. Okay? Et, le but pour eux, la raison pour laquelle ils veulent absolument faire le takfir des dirigeants et des gens qui sont en position d'autorité dans les sociétés musulmanes, c'est pour se permettre justement de faire ce qu'on appelle al-khuruj, c'est-à-dire de prendre les armes et de se rebeller contre les gens qui sont au pouvoir pour justement pouvoir se mettre à leur place, ok, au nom de l'islam, au nom de la charia et tout ça. Donc, on va voir qu'en réalité dans ce chapitre, il n'y a pas d'argument pour eux dedans, ok, et qu'il y a en fait une réfutation non seulement des gens qui ont dévié dans un extrême, c'est-à-dire ceux qui ont essayé de placer les paroles d'un être humain ou d'une personne en dehors du Coran et de la Sunna, ils placent les paroles d'un être humain au-dessus du Coran ou au-dessus de la Sunna, donc on va voir que ça c'est un extrême et que ça c'est une forme d'égarement. Et on va avoir aussi de l'autre côté, l'autre extrême de ceux qui veulent utiliser ce chapitre ou cette question comme étant un argument pour eux pour faire le takfir et se justifier qu'est-ce qu'ils veulent faire le khuruj. Et c'est pour ça que, en plus de l'explication du Cheikh Al-Fawzan, j'ai ramené l'autre charh du Cheikh Ahmad Al-Najmi de Kitab Al-Tawhid parce qu'il a un commentaire qu'il fait au sujet d'un passage dans ce chapitre qui va venir dans ce sens-là, rajouter un petit peu plus de clarté et plus d'explication à ce sujet-là. Toutefois, c'est peut-être pas aujourd'hui qu'on va lire ce commentaire-là, c'est peut-être demain, parce que la citation dont on a besoin des clarifications à son sujet, c'est plus à la fin, et donc on n'a pas le temps d'arriver là aujourd'hui. Donc on va laisser ça probablement pour demain, inshallah. Donc on va commencer tout de suite avec le texte du Cheikh Saleh Al-Fawzan au sujet du titre. Le Cheikh dit, قال الشيخ رحمه الله باب من أطاع العلماء والأمراء هذا شرط وجوابه وذلك لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه أحد فمن حلل أو حرم من غير دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جعل نفسه شريكا لله ومن أطاعه فقد أشركه مع الله في التشريع وهذا يسمى بشرك الطاعة لأن العبادة معناها طاعة الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه ومن ذلك مسألة التحليل والتحريم فهي داخلة في العبادة بدليل قوله تعالى لما ذكر ما يفعله المشركون من استباحة ما حرمه الله من الميتة التي حرمها وهم يستحلونها ويقولون هي أولى بالأكل من المزكاة لأن المزكاة أنتم ذبحتموها أما الميتة فإن الله هو الذي ذبحها وكانوا تقلوا هذه المقالة من المجوس فأنزل الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين إلى قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أي إن أطعتموهم في استباحة الميتة وخالفتم أمر الله سبحانه وتعالى بتركها إنكم لمشركون مع الله في التحليل والتحريم. Le Cheikh explique pour commencer la signification du titre de ce chapitre, et il dit que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans ce chapitre qu'il a nommé, celui qui obéit aux savants, aux ulama et aux dirigeants. Il dit donc que ça, c'est-à-dire celui qui, par exemple, en fait, il dit qu'il faut comprendre que le fait de rendre quelque chose licite ou illicite, le fait de rendre quelque chose légal ou illégal, ou haram ou halal, c'est un des droits qui appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut, participer ou, personne n'a ce droit-là en commun avec Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut participer à ça en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, excepté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète, il ne parle pas de lui-même. C'est une révélation qui lui est donnée, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait que transmettre qu'est-ce que Allah sallallahu alayhi wa sallam lui ordonne. Et donc, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclare comme étant halal, ça vient d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'il déclare comme étant haram, ça vient également d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut l'accepter comme si c'était quelque chose qui vient directement d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est pas dans le Coran. Toutefois, en dehors du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a rien, il n'y a personne qui a le droit de rendre haram ou de rendre halal sans preuve du Coran ou de la Sunna. Hein? Donc, celui qui rend quelque chose haram ou halal sans aucune preuve du Coran ou de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il s'est établi lui-même comme étant un partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation. Et celui qui obéit à la personne qui veut rendre haram ce qui est halal ou rendre halal ce qui est haram, c'est comme s'il a associé quelque chose avec Allah dans la législation. D'accord? Donc c'est un point qui est très important et très sérieux en fait, et donc c'est très important de bien comprendre ce sujet-là. Le Cheikh, il donne un exemple de ça. Il dit que c'est pour ça qu'on l'appelle, cette forme de shirk, on l'appelle un shirk ou shirk al-ta'a, c'est-à-dire le shirk dans l'obéissance. Parce que, il dit que l'adoration, une des significations de l'adoration, c'est l'obéissance d'Allah en faisant ce qu'il nous ordonne de faire et en abandonnant ce qu'il nous interdit de faire. Et parmi qu'est-ce qui fait partie de l'adoration, il y a la question de la législation, c'est-à-dire quand est-ce que quelque chose est haram ou halal. Et donc, ça, ça rentre dans l'adoration. Et une des preuves de ça, qu'on peut mentionner, que le cheikh a mentionné, c'est ce que les mouchriquins faisaient. Les mouchriquins, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils voulaient essayer de rendre halal toutes sortes de viandes, même si ce n'était pas une viande qui était égorgée, et même si ce n'était pas une viande qui avait été égorgée en mentionnant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, eux, ils le rendaient halal, comme les kuffars en général aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une viande, un animal, peu importe de quelle façon il est mort, du moment qu'il est mort, il est permis pour eux de le manger. Ils disent que c'est permis pour eux de le manger. Donc, même si l'animal, par exemple, est mort de vieillesse, ou est mort d'une maladie, ou a été tué par un autre animal, ou bien, par exemple, étouffement, ou bien qu'elle a, par exemple, elle est tombée, elle s'est assommée, ou d'autres raisons, bon, ils considèrent pour eux que ça, c'est de la viande halal. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent les animaux, par exemple, avec des coups de fusil, ou bien avec une masse, ils l'assomment, ou bien, par exemple, ils vont lui donner un choc électrique, ou bien d'autres techniques qu'ils utilisent pour tuer les animaux, autre que la méthode que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre. Et à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il voulait rendre halal la viande qui est morte, al-mayta, on l'appelle en arabe, qui n'a pas été égorgée par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui n'a pas été également, on n'a pas mentionné le nom d'Allah dessus. Donc la vie, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala, il la donne à qui il veut, quand il veut, et il la reprend quand il veut, d'accord? Mais nous, en tant que créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas le droit de prendre la vie d'un animal, excepté en le nom de celui qui l'a créé, hein, et on n'a pas le droit de la manger si elle n'a pas été égorgée en ce nom-là. Donc si c'est une viande qui a été égorgée pour d'autres dieux, ou pour une idole, ou pour une tombe, ou pour un wali, ou d'autres choses, parmi les choses pour lesquelles les gens égorgent des animaux, parmi les mouchriquins, eh bien, ça devient une viande qui est haram pour nous, on n'a pas le droit de la manger, d'accord? Mais les mouchriquins, eux, ils voulaient la rendre halal, et ils utilisaient une shubha pour essayer de convaincre les musulmans à manger la viande morte. Et cette shubha, c'était quoi? C'était de dire, vous les musulmans, vous mangez pas, vous mangez la viande que vous égorgez vous-même, alors que c'est vous-même qui l'avez égorgée. Tandis que la viande morte, c'est Dieu qui l'a égorgée, hein, dans le sens que c'est Dieu qui l'a fait mourir, hein, et donc pourquoi vous la mangez pas? Donc ça, c'était une choubra qu'ils utilisaient pour essayer de justifier le fait de manger de la viande morte. Et ils ont pris cette choubha, cette parole, des Majus, les gens qui adorent le feu en Perse, qui adoraient les Perses, les Zoroastriens. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un verset à ce sujet-là, c'est le verset du verset 118 à 121 dans Surat Al-An'am. Ils ont dit, فَكُلُوا مِمَّا Allah subhanahu wa ta'ala a dit, mangez la viande sur laquelle le nom d'Allah a été mentionné, si vous êtes réellement croyant en ces versets, jusqu'à l'endroit où il dit par la suite, et ne mangez pas de la viande sur laquelle on n'a pas mentionné le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est un péché, c'est un acte de péché de faire ça. Et les diables, les shayatins, ils se révèlent, ils s'inspirent les uns les autres, ou ils inspirent à leurs alliés des shubuhat, des sortes de paroles comme les shubuhat qu'ils ont mentionnées, dans le but de débattre avec vous et argumenter avec vous, pour essayer de vous convaincre de suivre leur passion et de suivre ce qui est haram. Et si vous les obéissez dans le fait de rendre halal la viande morte et dans ce genre de choses-là, alors vous êtes des mouchriquins, vous aussi. D'accord? Et donc ça, c'est la preuve que le cheikh a voulu mentionner à ce sujet-là. Si vous les obéissez dans le fait de rendre halal la viande morte, alors, et que vous désobéissez, vous allez en contradiction avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vous ordonne de l'abandonner, alors dans ce cas-là, vous êtes vous aussi des mouchriquins comme eux, parce que vous avez fait le shirk avec Allah dans la législation, dans le fait de ne pas accepter la législation d'Allah par rapport au halal et au haram. Donc ensuite le cheikh il continue, il dit fata'atul ulama wal umara fi mithli hadha shirk fi tahlil ma harram Allah aw tahrim ma ahalla Allah. فإن كان الذي أطاعهم يعلم أنهم خالفوا أمر الله في ذلك وتعمد طاعتهم واستباح هذا فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. وإن كان الذي أطاعهم يعتقد أن هذا حرام ويعترف أن هذا خطأ ولكنه أطاعهم لهوى في نفسه أو رغبة في نفسه مع اعترافه بالمعصية فهذا شرك أصغر. وإن كان أطاعهم وهو لا يعلم أنهم خالفوا شرع الله بل ظن أنهم على حق فهذا معذور إن كان مثله يجهل ذلك. Donc le cheikh explique ici les détails ou certaines précisions pour bien comprendre cette question-là, pour pas tomber dans les extrêmes et pour bien comprendre la limite et les règles à ce sujet-là. Donc il donne des exemples, il dit donc d'obéir aux dirigeants et aux savants dans ce genre de shirk, dans ce genre de choses, c'est shirk, c'est ça ce qu'il dit. D'obéir aux savants dans le fait de rendre halal ce qui est haram ou de rendre haram ce qui est halal, c'est une forme de shirk. Toutefois, si la personne qui leur obéit sait qu'ils ont contredit l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils font exprès de leur obéir et qu'ils rendent ça halal, qu'ils croient en eux-mêmes que ça c'est correct et que c'est halal, c'est-à-dire ils savent qu'ils ont contredit l'ordre d'Allah, toi tu es au courant, tu sais très bien que ce que ces gens-là ont dit c'est contraire à ce qu'Allah a dit et tu le fais par exprès et tu leur obéis en croyant que c'est halal, dans ce cas-là, ça c'est une forme de shirk majeur qui fait quitter à quelqu'un l'islam. Parce que tu rends quelque chose qui est haram, halal, ou halal, tu le rends haram et tu crois en ça et tu sais que c'est contraire à la religion. Donc ça c'est une forme de shirk majeur qui fait quitter à quelqu'un la religion. Mais le shirk dit ensuite, mais si la personne qui les obéit dans cette chose-là, elle, dans son cœur, elle croit que ça c'est haram. Et elle reconnaît que c'est une erreur, que c'est pas correct. Et elle les suit ou elle les obéit dans ça parce qu'elle a une passion, elle suit sa passion et son désir à l'intérieur d'elle-même. Toutefois, elle reconnaît que c'est un péché et qu'elle est en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le cheikh il dit que dans ce cas-là, c'est une forme de shirk mineur. C'est pas une forme de shirk majeur, ça veut dire c'est grave, c'est un grave péché, sauf que ça fait pas, ça arrive pas au degré que la personne quitte la religion. Et la personne reste quand même musulmane, sauf qu'elle est dans un grand danger et elle fait un grand péché qui s'appelle shirk, mais c'est pas un shirk qui est majeur qui fait quitter l'islam, c'est un shirk mineur. Et le shirk ensuite il spécifie et il dit, et si la personne les a obéis et elle les a obéis, mais elle ne savait pas que ces gens-là avaient contredit la loi d'Allah. Elle les obéit dans ça, c'est-à-dire, quelqu'un qui entend un savant qui dit que quelque chose est halal, et elle ne savait pas, elle pensait que c'était la vérité, alors que c'était faux, et elle a pensé qu'ils ont dit la vérité, alors cette personne-là, elle est excusée dans cette erreur-là. Elle est excusée selon le fait que, par exemple, bien entendu, si c'est une personne ignorante, elle est excusée. Mais si c'est une personne, non pas qu'elle est ignorante, mais elle est, comment je pourrais dire, pas qu'elle est volontairement ignorante, mais que elle a pas d'excuse d'être ignorante de cette question-là, parce que disons que elle pourrait le connaître facilement. La science et la connaissance est répandue autour de lui et il est accessible, tout le monde autour de lui sait ça, sauf que lui, il ignora par négligence absolue, tu vois, vraiment il s'est détourné. Dans ce cas-là, peut-être que cette personne-là ne sera pas excusée, mais le cheikh il dit « in kana mithluhu yajhalu dhalik ». Si une personne dans sa catégorie, dans cette sorte de personne-là, elle ignore ça en général. Ça dépend de niveau d'éducation de la personne, puis ça dépend aussi de son niveau de compréhension, hein. Parce qu'il y a certaines personnes, peu importe qu'est-ce que tu vas lui expliquer, tu vas lui dire, elle a de la difficulté à comprendre, difficulté d'apprentissage. Et il y en a d'autres personnes, elle n'est pas éduquée, elle n'a pas appris, elle ne comprend rien. Donc, différents niveaux de personnes, ça va changer par rapport à sa situation, va changer par rapport à ce verdict-là, selon son niveau de connaissance, etc. Ensuite, le chef il dit un autre exemple, il dit « أما طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله فهذا أمر واجب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فطاعة العلماء وطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله أمر أوجبه الله على الناس » Le chef il dit que en ce qui concerne le fait d'obéir aux dirigeants et aux savants de l'islam dans quelque chose qui n'est pas un péché, dans quelque chose qui n'est pas interdit par Allah, ça c'est obligatoire. C'est-à-dire que c'est obligatoire d'obéir aux dirigeants de l'islam, aux dirigeants des musulmans et aux savants de l'islam dans ce qui n'est pas péché. Hein, comme si un dirigeant ou les savants de l'islam, ils te disent d'obéir à quelque chose qui n'est pas haram. Même si c'est pas nécessairement obligatoire en soi par l'islam, sauf que c'est quelque chose qui est permis de faire. Hein? Donc dans ce cas-là, ça devient obligatoire. C'est comme par exemple, ton père, il t'ordonne de faire quelque chose. C'est pas obligatoire dans l'islam, par Allah, par le Coran et par la Sunna, il n'y a pas de preuve pour dire que c'est obligatoire de le faire. Comme par exemple, si ton père te dit, lave la voiture. C'est pas obligatoire dans l'islam de laver la voiture, d'accord? Sauf que c'est pas interdit par le Coran et par la Sunna, et Allah t'ordonne d'obéir à ton père. Donc dans ce cas-là, tu es obligé de l'obéir dans cette chose-là. Si tu n'as aucune excuse valable pour ne pas le faire. Hein? Donc la même chose pour une femme, par exemple, son mari lui dit de faire quelque chose qui n'est pas haram. C'est pas nécessairement obligatoire dans le Coran ou dans la Sunna, sauf que son mari lui demande de le faire, elle doit le faire, c'est obligatoire pour elle, parce que c'est obligatoire pour elle d'obéir à son mari dans ce qui n'est pas interdit dans l'islam, ou bien il lui demande de ne pas faire quelque chose, et c'est pas quelque chose qui est obligatoire ou recommandé dans l'islam, ou même des fois, parfois même ça peut être recommandé dans l'islam, mais il lui demande de ne pas le faire. Par exemple, elle veut jeûner, puis lui il lui demande de ne pas le faire. Ce jour-là, elle peut pas jeûner sans sa permission si c'est pas un jeûne obligatoire. Donc ça c'est des exemples, hein. Et le chef il mentionne, ça c'est la même chose pour le dirigeant des musulmans et pour les ulama. Donc il mentionne le verset 59 dans sourate An-Nisa qui dit oh vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Ça prouve que le chef dit, ça prouve que l'obéissance aux ulama et l'obéissance aux dirigeants, aux gens qui ont l'autorité politique dans un pays musulman, dans quelque chose qui n'est pas un péché, qui n'est pas haram, c'est quelque chose d'obligatoire, c'est quelque chose que Allah a rendu obligatoire pour les gens, d'accord? Ensuite le cheikh il dit « Wa ulil al-amri minkum qila humul umara wa qila humul ulama » والصواب أن الآية تعني العلماء والأمراء معا فكلهم من أولي الأمر فالعلماء يبينون الأحكام الشرعية والأمراء ينفذونها فليست طاعة ولاة الأمور ممنوعة مطلقا ولا جائزة مطلقا بل فيها هذا التفصيل الذي لا بد منه. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit wa ulil amri minkum, c'est-à-dire ceux qui détiennent le commandement ou l'ordre. Hein. Et le cheikh il dit que parmi les savants, il y en a des savants qui ont dit que ce sont Ulil Amr, ce sont les savants. Et il y en a d'autres savants qui ont expliqué que Ulil Amr, ce sont les dirigeants. D'accord? Et le cheikh il dit que la position qui est correcte à ce sujet de, au sujet de ce verset, c'est que Ulil Amr, ça signifie les deux. Les savants, les dirigeants et les savants en même temps. Les dirigeants politiques et les savants musulmans, les savants de l'islam. Ils sont tous des gens qui ont le commandement. Les savants de l'islam, eux, ils expliquent aux gens le verdict de la charia, et les dirigeants, eux, c'est leur rôle, c'est de l'exécuter, d'exécuter le verdict de la charia, d'accord, de le mettre en exécution. Le cheikh il dit, فليست طاعة ولاة الأمور ممنوعة. Donc, le cheikh il dit que d'obéir aux dirigeants et aux ulama, c'est pas totalement interdit, puis c'est pas totalement permis. Il y a cette nuance ou ce détail-là qu'on a clarifié tout à l'heure, hein, que on doit les obéir uniquement dans ce qui est pas un péché. Et si quelqu'un t'ordonne de faire un péché, tu n'as pas le droit de l'obéir dans ce péché-là. Donc ça répond par exemple à certains, parfois à certains kuffars qui s'imaginent que dans l'islam, le dirigeant, il a un pouvoir absolu et qu'il peut même ordonner aux gens ce qui est contraire à l'islam ou interdire ce qui est ordonné par l'islam. Et qu'il est comme eux, des fois j'ai lu certains livres écrits par des historiens ou des orientalistes, et quand ils parlent du khalifa, eh ben c'est comme s'ils essaient de faire croire aux gens qui vont lire leurs livres que dans l'islam, la position du dirigeant ou le khalifa comme ils l'appellent, c'est un être qui a un pouvoir absolu, comme un peu comme le pape chez les chrétiens. Donc ils essaient de faire un parallèle entre le pape et le khalifa, et en réalité ça n'a aucun rapport. Hein. Donc le dirigeant dans un pays musulman, il n'a pas une autorité absolue dans le sens qu'il peut interdire ce qu'Allah a ordonné ou ordonner ce qu'Allah a interdit. Il doit uniquement ordonner ce qui est, il peut ordonner tout, mais sauf qu'est-ce qui est, il ne peut pas ordonner ce qui est un péché, hein, et il ne peut pas ordonner ce qui est interdit par Allah, ou interdire ce que Allah a ordonné, d'accord. Et s'il le fait, eh ben, on n'a pas le droit de l'obéir dans ces choses-là, même si on l'obéit dans le reste, mais dans cet ordre-là en particulier qui constitue un péché, on n'a pas le droit de l'obéir, d'accord. Dans le reste, on va continuer à l'obéir encore, mais pas dans cet ordre-là, d'accord. Pas comme certains qui s'imaginent que s'ils ordonnent un péché, ça y est, on n'obéit plus dans rien du tout. Non, ça c'est un autre extrême. Le cheikh il dit, فَلَيْسَتْ طَاعَةُ وَلَاةِ الْأُمُورِ مَمْنُوعَ مُطْلَقًا وَلَا جَائِزَةٌ مُطْلَقًا بَلْ فِيهَا هَذَا التَّفْصِيلَ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ. والشيخ رحمه الله خصص تحريم طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فقال من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه الله أو ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا ولم يعمم تحريم طاعتهم. للشيخ الزيك للشيخ Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans le titre, il a spécifié l'interdiction de leur obéir dans le fait de rendre halal ce qui est haram ou de rendre haram ce qui est halal, en disant quiconque obéit aux savants et aux dirigeants dans le fait de rendre haram ce qui est halal ou de rendre halal ce qui est haram, c'est comme s'il les avait pris comme des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'a pas yani généraliser ça en disant que c'est interdit de les obéir. Il dit, après, le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, il a mentionné une citation de Abdullah ibn Abbas, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le neveu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fils de son oncle Abbas, hein. Donc son nom c'est Abdullah, le fils d'Abbas. Ok. Et son père Abbas, son oncle était musulman, hein, et son fils également était musulman. Abbas, Abdullah était musulman et son père aussi, et son frère également Al-Fadl était aussi un musulman. Donc Abbas était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit au sujet de cette citation là, c'est quoi? Yushiku an tanzil alaykum hijaratun min as-samaa. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. عبد الله بن عباس il s'adresse à des gens et il leur dit je crains que des pierres tombent sur vos têtes des cieux, hein. Je crains que Allah fasse tomber sur vos têtes des pierres du ciel, parce que moi je vous dis, le messager d'Allah a dit, et vous vous objectez à ce que je, à ça, en disant Abu Bakr et Omar ont dit. Comme si vous essayez de mettre la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la parole de Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma au même niveau ou à même égalité. Et ça c'est grave. Donc Abdullah ibn Abbas il dit ça en disant, craignez Allah, moi j'ai peur pour vous, hein, j'ai peur en fait que des pierres soient descendues du ciel. Du fait que vous êtes en train de faire cette équivalence-là et de mettre les paroles du messager d'Allah au même niveau que les paroles des êtres humains qui ne sont pas des messagers, hein. Et donc ça c'est grave. Et donc on va voir maintenant l'explication de cette citation-là et le contexte dans lequel cette parole avait été dite par Abdullah ibn Abbas. Le Cheikh dit « قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ » وهو حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يوشك معناه يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء عقوبة لكم كما نزلت الحجارة على من كانت على من كان قبلكم ممن خالفوا الرسل. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، وهذا هو السبب الذي يوجب نزول الحجارة، وهو طاعة العلماء والأمراء فيما يخالف شرع الله. فقال ابن عباس رضي الله عنهما هذه المقالة لما بلغه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما الخليفتين الراشدين كان لا يريان فسخ الحج إلى العمرة، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي. Donc on va expliquer ce passage là. Le Cheikh dit que Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه c'est حبر الأمة, c'est le savant de cette أمة, ترجمان القرآن c'est l'explicateur du Coran. Il a dit, Abdullah ibn Abbas, bien entendu, c'est Abdullah le fils d'Abbas, le fils d'Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, c'est le grand-père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le fils de l'oncle Abdullah, c'est Ibn Amr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fils de l'oncle du prophète, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est son neveu. Donc il dit, je crains, et ou bien il manque peu pour que des pierres tombent sur vos têtes. C'est ça que ça veut dire, Yushiku. Une parole qui veut dire en arabe yaqrub, ça veut dire il manque peu ou c'est très proche, hein, c'est pour montrer une sorte de proximité, hein, il manque peu de choses pour que des pierres tombent sur vos têtes, c'est ça que ça veut dire. Et donc il dit pourquoi, il dit parce que c'est-à-dire que les pierres tombent du ciel, c'est comme punition, une punition que Allah a fait descendre à des peuples qui étaient avant vous, sur ceux qui avaient désobéi à leur messager. Allah avait fait tomber sur eux des pierres, donc lui, Abdullah ibn Abbas, il dit ça, il manque peu pour que ce châtiment-là qui est arrivé à d'autres qui étaient avant vous, hein, parmi les gens qui ont désobéi à leur messager, eh bien la même chose vous arrive à vous aujourd'hui parce que vous êtes en train de faire la même chose. Moi je vous dis, le messager d'Allah a dit, c'est pas comme si je disais n'importe qui en train, c'est pas comme si je dis par exemple, le gars du coin a dit, ou je sais pas moi, hein. Non, là je suis en train de parler du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pas une parole à prendre à la légère, et c'est pas une parole que tu peux mettre à équivalence avec la parole de d'autres personnes. Peu importe leur niveau de piété, peu importe leur niveau de savoir dans la religion, ils ne doivent pas être, disons, on ne doit pas prendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la mettre en dessous de la parole de quiconque parmi les hommes, peu importe si ils sont les plus savants de la Ummah, peu importe s'ils sont les plus vertueux, les plus pieux de la Ummah. Le respect qu'on doit à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit être au-dessus du respect qu'on peut avoir par rapport à la parole de n'importe quel autre être humain. Donc, Abdullah ibn Abbas, il lui dit, et il dit à ces gens-là, je vous dis, le messager d'Allah a dit, et vous, vous me répondez, Abu Bakr et Omar a dit, on dit. Et donc ça c'est la chose qui fait en sorte que ces gens-là auraient mérité que Allah fasse tomber sur leur tête des pierres du ciel, parce que c'est comme si ils essaient d'obéir aux savants et aux dirigeants dans ce qui est en contradiction avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu et Omar ibn Khattab radiallahu anhu, les deux sont des savants de l'islam et les deux sont des dirigeants, parce que les deux ils ont été des khalifas, hein. Donc Abu Bakr as-Siddiq c'est le premier khalifa de l'islam et Omar ibn al-Khattab c'est le deuxième khalifa de l'islam, et les deux sont parmi les plus savants de la Ummah après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens ils répondent avec un argument en disant ouais, mais Abu Bakr et Omar ont dit ça. Aujourd'hui on a la même réaction parfois avec certaines personnes lorsqu'on discute avec eux, on leur dit ya akhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça dans un hadith. Et là, la personne, elle te répond, elle dit, ouais, mais le cheikh ou l'imam de la mosquée ou tel un tel a dit telle chose. Subhanallah, est-ce que tu es en train d'essayer de dire que tu as plus de respect pour la parole d'un tel ou d'un tel que pour la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Donc, ça c'est quelque chose de dangereux, et une personne qui nous dit une chose pareille, on pourrait lui répondre la même chose que Abdullah ibn Abbas. Lorsqu'il a dit, il manque peu pour que des pierres soient envoyées sur vos têtes, hein. Une personne qui dit ça, tu peux commencer à t'éloigner d'elle, hein, en la regardant. La personne elle va te dire, mais pourquoi tu t'écartes? Elle dit, parce que moi je veux pas recevoir des pierres sur ma tête. Hein, tu vois, parce que tu es en train de dire des choses graves là. Donc, le chef, il dit ensuite, il dit, donc ce sont deux parmi les khulafa. Et quand Abdullah ibn Abbas a entendu que ces gens-là disaient ça, et que, yani, pourquoi la question, ça a rapport avec le sujet de la parole d'Abdullah ibn Abbas, c'est relié avec le hajj en fait. Okay? Parce que Abdullah ibn Abbas, il disait aux gens, lorsque vous avez fini votre umrah, enlevez votre ihram, hein, et vous allez la remettre par la suite, lorsque ce sera les jours de tachriq, vous allez remettre votre ihram, mais pendant ce temps-là, entre les deux, vous l'enlevez, puis vous faites comme vous faites d'habitude. Ça, on appelle le hajj tamattu. Celui qui n'avait pas amené avec lui les animaux qu'il va égorger, il ne fait pas le hajj qiran. Donc, le prophète sallam avait ordonné aux sahaba d'enlever leur ihram et de mettre leurs vêtements ordinaires, puis de faire comme ils font d'habitude. Sauf que, comme le cheikh il va l'expliquer, Abu Bakr et Omar, eux, ils ont fait une ijtihad et ils ont donné un autre verdict que ça. Eux, ils disaient aux gens, non, n'enlevez pas votre ihram, restez dans l'ihram et continuez votre ihram jusqu'au début du hajj. Donc, il y avait une divergence et Abdullah ibn Abbas, il voulait essayer de leur prouver que ce qu'ils disaient, c'était la sunnah, c'était ça qu'il fallait suivre, c'était l'ordre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il leur a donné le hadith et il leur a dit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Et les gens leur ont répondu en disant « Oui, mais Abou Bakr et Omar ont dit autre chose. » Alors, Abdullah ibn Abbas a répondu par les paroles qu'on a lues tout à l'heure. Et le cheikh dit « Fahada inda Abdullah ibn Abbas yadullu ala wujub fath al-hajj ila al-umrah liman lam yasuq al-hadi amalan bi amri ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam annahu amara bidhalika ashabahu wa akkad alayhim ولما خالف ذلك الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر ورأيا أنه لا يجب فسخ الحج إلى العمرة بل المضي في الإفراد أفضل من أجل أن لا يهجر البيت في بقية السنة لأن الحاج إذا جمع بين الحج والعمرة في سفر واحد فهذا مما يسبب أن لا يأتي أن لا يأتي الناس مرة أخرى للعمرة بل يكتفون بسفر واحد هذه وجهة نظرهما رضي الله عنهما وهي مسألة اجتهادية ولكن الاجتهاد إذا خالف الدليل فإنه لا يجوز العمل به وإذا كان ابن عباس ينكر على من أخذ برأي الخليفتين الراشدين أبو بكر وعمر لأنه اجتهاد مخالف للنص وأن ذلك يجب العقوبة فكيف بطاعة العلماء والأمراء في التحليل والتحريم من غير دليل donc le cheikh explique, il dit Abdullah ibn Abbas cette citation ou cette parole de Abdullah ibn Abbas ça prouve que lui, Abdullah ibn Abbas il était d'opinion que c'était obligatoire lorsque tu as terminé ta Umrah de sortir de ton ihram et d'enlever l'ihram. Et ça, c'est pour la personne qui n'avait pas amené son offrande, il n'avait pas amené son animal qu'il allait donner en offrande de là où il venait. Et ça, c'était dans le. C'est-à-dire, lui, il voyait cette opinion-là et il se basait sur l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait ordonné à ses compagnons et qui avait même confirmé. En disant à ses compagnons d'enlever leur ihram après avoir terminé le sa'i entre As-Safa et Al-Marwa, après ils ont terminé leur umrah, il leur a dit d'enlever l'ihram. Donc, lorsque les deux khalifas, Abou Bakr et Omar, ont contredit cet ordre-là, eh bien, les gens commençaient à vouloir suivre l'opinion de Abou Bakr et Omar. Et Abdullah ibn Abbas, lui, il leur a dit la parole qu'on a lue tout à l'heure, qu'il craignait que des pierres tombent sur leur tête à cause de ça. Et Abou Bakr et Omar, ils se basaient sur quoi pour dire qu'est-ce qu'ils ont dit? Par exemple, eux, Abou Bakr et Omar, ils disaient que c'était mieux de continuer avec l'ihram jusqu'au début du hajj pour celui qui faisait l'ifrad, le hajj ifrad. Et la raison pour cet ijtihad, elle se basait sur quoi? Elle se basait sur l'idée de dire que celui qui fait son hajj et sa umrah d'un seul coup, en venant faire son hajj, il fait son hajj et sa umrah en même temps, le reste de l'année, il n'y a personne qui va venir à la Mecque faire l'umrah durant l'année. Donc, ça veut dire que le reste de l'année, selon leur opinion, le reste de l'année, les gens vont abandonner la Mecque, les gens vont abandonner la Kaaba, il n'y aura plus de gens qui vont venir faire leur umrah durant l'année. Et donc eux, ils voulaient, Abou Bakr et Omar, radiallahu anhuma, ils voulaient encourager que les gens continuent à venir durant toute l'année pour faire l'umrah. Sauf que Abdullah ibn Abbas, lui, il a vu que ça, le fait de cet ijtihad, elle était en contradiction avec l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que le cheikh il dit فَهَذَا يُسَبِّبْ مَا يَأْتِي مَنْ يَكْتَفُونَ بِسَفَرٍ وَاحِدٍ. Et il dit, le cheikh, ça c'était leur opinion à Abou Bakr et Omar. Et c'était une question d'ijtihad qu'ils avaient fait, un effort de jugement, pour arriver à une opinion, et le cheikh dit que lorsqu'une ijtihad est en contradiction avec un dalil qui est clair, du Coran ou de la Sunna, eh bien il n'est pas permis de l'appliquer cette ijtihad, et de la suivre cette fatwa ou cette ijtihad, d'accord? Donc, si Ibn Abbas était en train de réfuter et de disons, réprimander et en même temps de dénoncer l'action de ceux qui avaient pris l'opinion des deux khalifas, Rachidine, Abu Bakr et Omar, parce qu'ils avaient fait une ijtihad qui était contraire au texte du Coran ou de la Sunna, en particulier dans cette question-là, et qu'ils croyaient que ça faisait en sorte que quelqu'un mérite une punition, alors que dire dans ce cas-là, du fait, qu'est-ce dire dans ce cas-là, de la personne qui obéit les dirigeants, ou qui obéit les savants, dans le fait de rendre halal ce qui est haram, ou de fait de rendre haram ce qui est halal, sans aucune preuve du tout. Hein? Ça c'est grave aussi. Et donc c'est pour faire comprendre en fait que, c'est pas parce que quelqu'un fait une ijtihad, qu'on n'a pas le droit de le réfuter. Et c'est pas parce que sur une question il y a une divergence d'opinion entre les savants qu'on n'a pas le droit de réfuter cette divergence d'opinion sur laquelle, par exemple, de réfuter la personne qui a contredit les textes clairs et qui sont authentiques au sujet d'une question. Ça veut pas dire que, parce qu'il y en a qui disent, s'il y a une divergence d'opinion entre les savants, donc ils ont fait leur ijtihad et donc ils sont excusés pour leur erreur. Donc ça veut dire que tu peux pas dire à quelqu'un qui suit cet ijtihad qu'il est dans le tort, même s'il contredit un texte qui est apparent et clair. Et ça c'est une erreur, c'est pas vrai. Si quelqu'un contredit un texte qui est clair et apparent dans le Coran ou dans la Sunna, peu importe qui il est, comme, peu importe la grandeur de sa science et sa piété, on n'a pas le droit de le suivre là-dedans, et on a le droit parfois, selon la situation, de même réfuter cette opinion-là. Et selon le niveau et le degré de contradiction de cette personne, eh ben la réfutation va être différente. Parfois, les savants réfutent avec une certaine manière qui est avec beaucoup de respect, puis beaucoup de respect, beaucoup de gentillesse et de douceur. Et dans d'autres situations, quand c'est des questions où c'est apparent que la personne qui a contredit les textes est en train de suivre sa passion et rejette la vérité d'une façon, par exemple, arrogante et fière ou orgueilleuse, là, dans ce cas-là, parfois, les savants vont même utiliser parfois de la dureté, hein, en réfutant ces personnes-là, justement parce que par jalousie pour la charia et par, disons, pour remettre cette personne à sa place aussi en même temps. Donc, le cheikh il dit, « وَهَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اِحْتِرَامِ سُنَّةَ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ وَأَنَّهَا هِيَ الْمُنْتَهَى بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَأَنَّهُ إِذَا حَصَلَ اجْتِهَادٌ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ يَجِبُ عَرْضَهُ على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما قام عليه الدليل أخذناه، وما خالف الدليل تركناه، وإن كان قائله من أفضل الناس، كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فضلا عن غيرهما. Donc le cheikh dit, donc ça prouve que on doit avoir un plus grand respect, le plus grand respect pour la sunna du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. Et que c'est la limite, après le Coran, la limite de notre respect doit aller pour la Sunna. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va rentrer peut-être. Oui. Hein? Et le cheikh il dit, Naam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va Hassan? Alhamdulillah, ça va. Donc le cheikh il dit, que s'il y a une ijtihad qui est faite par les savants mujtahidines de l'islam, il est obligatoire pour nous de la mettre de la mettre à côté du Coran et de la Sunna, hein, de la mettre en parallèle avec le Coran et la Sunna pour l'analyser cette fatwa ou cet ijtihad. Donc, si on voit que cet ijtihad, elle est établie sur une preuve, on l'accepte, et si on voit que cet ijtihad, elle est en contradiction avec la preuve, on l'abandonne, on la laisse, hein, on laisse cet ijtihad. Même si la personne qui a dit cette fatwa ou qui a fait cet ijtihad est la meilleure parmi les hommes, est la meilleure personne parmi les hommes, on l'abandonne cette fatwa si elle n'est pas établie sur une preuve. Même si c'est, même si cette fatwa ou cette ijtihad, elle était faite par Abu Bakr ou Omar. Et si c'est le cas pour Abu Bakr et Omar qui sont les deux après, les deux meilleurs après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans cette umma, alors toute autre personne en dehors de ces deux-là, eh ben, sont encore plus, rentrent encore plus dans cette signification-là que ces deux-là. C'est-à-dire que si on doit rejeter l'ijtihad de Abu Bakr et de Omar si elles sont en contradiction avec la preuve, alors n'importe quel autre savant qui vient et qui est en dessous de ces deux sahabis-là, eh bien on doit encore plus rejeter leurs paroles si elles ne sont pas établies sur une preuve claire. Hein, et donc, c'est pour ça des fois je m'étonne quand j'entends des gens qui discutent de certaines questions sur l'islam, hein, et qui ramènent des paroles et des citations de différents savants, hein, et qui disent par exemple que sur une question, par exemple, qu'il y a 8 différentes opinions sur une question, hein, et par la suite, ils ne mentionnent même pas les arguments ou les preuves de ces différents savants-là, hein, il faut juste dire qu'il y a 8 opinions différentes, ils ne mentionnent pas leurs arguments, et puis après, par la suite, il essaie de choisir celle qui fait son affaire ou qui est en accord avec ses passions, sans même mentionner la preuve, sans même regarder les arguments et les preuves qui sont mentionnés par les gens qui supportent cette opinion-là. Et donc, c'est une attitude que certaines personnes ont, qui en fait est une forme d'égarement, parce que c'est des gens qui suivent leur passion et qui ne suivent pas la vérité, ne suivent pas le texte, la preuve, ils suivent leur passion. Donc, tu vois par exemple des discussions dans les livres de fiqh, dans les livres de fiqh de différents madhahib. Tu vois par exemple sur une question, les savants vont mentionner différentes preuves et ils vont mentionner par exemple différentes opinions. Par exemple, je lisais une fois dans Nail al-Antar de l'imam al-Shawkani, il mentionne la question par exemple de la peau des animaux. Quand est-ce qu'elle devient halal et quand est-ce qu'elle devient pure, hein, quand est-ce qu'elle devient pure qu'on peut l'utiliser. Et il mentionne les divergences d'opinion des savants au sujet de certaines peaux, quand est-ce qu'elles deviennent pures ou non. Il a ramené jusqu'à environ, je pense si je me souviens bien, 8 différents madhab ou 10 sur cette question-là seulement. D'accord? Mais il n'a pas juste dit il y a 8 différences d'opinion. Il a mentionné les 10 cas en mentionnant les arguments de chacun et en mentionnant c'était quoi leur preuve. Et il y en a parmi ces arguments-là qui étaient basés sur des preuves de texte, de hadith authentiques. Il y en a qui étaient basés sur des hadiths daïf, des hadiths qui ne sont pas authentiques. Il y en a qui étaient basés sur non pas des preuves de texte, mais sur des arguments rationnels, c'est-à-dire des analogies et des déductions basées sur des raisonnements logiques. Et donc, il y en a qui étaient basés sur des qiyas, des formes d'analogie comme ça. Et donc, à la fin, tu vois que le cheikh, il fait son tarjih. Et il mentionne, par exemple, il choisit une de ces positions-là, et il mentionne pourquoi il l'a choisi avec les preuves qui sont en faveur de cette opinion-là. D'accord? Et donc, une fois que cet imam a choisi sa position avec les preuves pour la supporter, eh ben, ça y est, pour lui, qu'est-ce qu'il considère comme étant la vérité? C'est cette position-là. Et pour lui, les autres positions sont des positions d'erreur. Donc il va supporter et défendre cette position-là. Mais il ne va pas dire aux gens, suivez l'opinion que vous voulez parmi ces huit-là. Hein? Mais il y a des gens comme ça. Ils essaient de dire que, bon, il y a différentes opinions, donc ça veut dire que c'est halal, tu peux faire ce que tu veux. Et ça, c'est une grave erreur, parce que tu ouvres la porte aux gens de tomber dans l'égarement comme ça, de suivre leur passion. Et oui. Ouais. Donc, dans ce cas-là, si c'est des arguments comme il y a des divergences, c'est vrai, dans certains cas où les tolabins qui ont une science vraiment limitée ou qui commencent, qui sont débutants dans la science, et y a les, souvent ils ont vraiment de la difficulté, comme je me souviens même quand on était étudiant à Médine, on avait souvent ces problèmes-là. On étudie une question, on lit les arguments des deux côtés, et vraiment à la fin on n'arrive pas à prendre une position, parce qu'on dirait que les deux côtés ont des arguments forts, des positions très très argumentées avec beaucoup de preuves et tout, et donc des fois on a de la difficulté à savoir. Hein. Donc dans des cas comme ça, c'est pas par rapport que la question, il n'y a pas une position qui est correcte ou non. C'est par rapport à la limite de la science que la personne possède. La personne qui approche cette question-là, sa science, elle est limitée et sa compréhension, elle est limitée. Ça ne lui permet pas d'arriver à trancher clairement dans cette situation-là. Et donc, dans ce cas-là, il peut, comme le ulama expliquait, il peut prendre la position d'un savant, d'une de ces deux positions-là, en prenant celle qui le met plus en paix en lui-même, qui est plus près selon lui de la vérité, sans essayer de suivre ses passions, jusqu'à ce qu'il arrive à étudier la question plus encore en profondeur pour arriver vraiment à atteindre la certitude dans cette question-là et à ce sujet-là. Donc, wallahu a'lam à ce sujet. Donc, c'est juste pour expliquer par rapport à cette question-là, mais comme j'allais dire un point juste avant ça, par rapport à cette question-là, c'est que des fois maintenant tu rentres dans certains forums musulmans où les gens argumentent entre eux puis discutent sur les questions. Puis là, il y a certaines personnes qui vont ouvrir une discussion sur un sujet et vont marquer par exemple « Est-ce que telle chose est halal ?» ou « Est-ce que telle chose est permis ?» ou « Qu'est-ce que l'islam dit de telle chose ?» Et là, tout le monde va venir et puis ils vont mettre tout ce qu'ils ont entendu là-dessus. Il y en a qui vont mettre une position en particulier, il y en a d'autres qui vont mettre une autre position en particulier, puis il y en a un qui va se penser, disons, plus savant que les autres et plus modéré, et qui va arriver et qui va dire « Bon, voici, tel madhhab dit ça, tel madhhab dit ça, tel madhhab dit ça, tel madhhab dit ça. » Et donc là, la personne, elle met ça comme ça, puis elle laisse le sujet là, tel quel. Et donc c'est comme si la personne qui va lire ça maintenant, il va dire « Bon, qu'est-ce qu'on va prendre comme position ? Comment tu vas te baser ? Sur quoi tu vas te baser pour savoir laquelle est correcte ?» C'est pas suffisant juste de dire « Il y a divergence, et voici les différentes opinions, et tel cheikh il dit ça, tel cheikh il dit ça, tel cheikh il dit ça, tel cheikh il dit ça. » Tu vas te baser sur quoi? Le nom, la sonorité, comment le nom du cheikh il te plaît, donc tu vas choisir son opinion, ou bien sinon tu vas te baser sur une sorte de tirage au sort, tu vas mettre le nom des cheikhs dans un sac, puis tu vas choisir un au hasard, puis celui que tu trouves, tu vas prendre sa position, ou bien tu vas faire quoi? Tu vas prendre celle qui te fait plus plaisir, sans même savoir sur quoi elle se base? Non. Donc, ça, c'est une grave erreur. Et, en principe, quand des gens sont débutants dans l'ilm, comme les ulama expliquaient, l'important, c'est qu'ils apprennent en commençant une position qui est supportée par un dalil, et c'est ça l'important. Un dalil authentique. Et, c'est pas de rentrer sur quelqu'un qui débute dans l'islam avec un paquet de divergences, puis commencer à étudier ça en débutant. parce que déjà là tu vas mélanger la personne, elle va être confuse par la suite, elle va pas comprendre, elle va pas être capable d'avancer, parce que à chaque fois elle va s'attarder à des divergences d'opinion en partant, et ça il n'y a aucun savant qui a appris l'islam de cette façon là. Tout le monde quand il commence l'étude de la religion musulmane, il commence par apprendre une question avec une preuve, et ils avancent là-dessus. Et une fois par la suite qu'ils ont bien compris ces choses-là, après ils avancent à un autre niveau où ils apprennent, disons, qu'il y a une certaine divergence d'opinion à ce sujet-là, et voici la preuve de celui-là, voici la preuve de celui-là, et de faire le tarjih de ces deux, entre ces deux-là. Puis ensuite il va apprendre, par exemple, qu'il y a d'autres divergences sur d'autres sujets, sur cette question-là, il y a d'autres divergences de d'autres savants, et il va essayer de comprendre pourquoi ils ont divergé sur ces questions-là, puis comment arriver à faire le tarjih, à trouver la position qui est plus près de la vérité. Et il y a des livres écrits par certains chouyoukhs, et certains ulamas, spécifiquement, qui parlent uniquement des divergences des savants. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, il y a un livre qui s'appelle Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Bidayatul Muqtasid wa Nihayatul Mujtahid. Non, c'est Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Et c'est écrit par un savant qui s'appelait Ibn Rushd. Et ce livre-là, il parle uniquement des divergences d'opinion entre les savants, des quatre mazahib. Des fois, il mentionne juste trois mazahib. Je pense qu'il ne mentionne pas Abu Hanifa. Ou bien il ne mentionne pas le mazahib Hanbali. Un des deux. En tout cas. Donc, c'est pour dire, il mentionne qu'est-ce que les différents madhhabs ont dit sur plusieurs sujets dans le fiqh. Il est établi le livre dans la même ordre que sont établis les livres de fiqh. Hein, les ibadat, après les mu'amalat, puis sur chaque question, il va ramener les divergences d'opinion, puis il explique pourquoi il y a la divergence. Et c'est quoi les raisons qui ont amené les savants à diverger sur ces différentes questions-là. Et les preuves de certaines, de différents savants au sujet de chaque question. Il y a un livre qui s'appelle Al-Ifsah, aussi qui parle des divergences des savants. Quand est-ce qu'ils sont d'accord, quand est-ce qu'ils ne sont pas d'accord et pourquoi. Il y a un autre livre qui s'appelle Ikhtilaf al-Ulama, écrit par l'imam al-Marwazi, un des salafs, qui a écrit un livre là-dessus. Puis, il y en a beaucoup d'autres livres à ce sujet-là, dans ce domaine-là, qui parlent uniquement des divergences d'opinion et qui clarifient ces choses-là. Donc, les questions sur lesquelles il y a des divergences, elles sont connues. Les questions sur lesquelles il y a des accords, les ijma', elles sont connues aussi. Il y a des livres qui sont écrits uniquement, ça s'appelle al-ijma'. C'est des livres qui réunissent et qui rassemblent toutes les questions sur lesquelles il y a des consensus entre les savants, parmi les salafs et ceux qui sont venus par la suite dans l'islam. Donc il y a un livre qui est écrit par un des saints qui s'appelle Ibn al-Munzir, et dans ce livre-là, ça s'appelle Al-Ijma', et il mentionne les différents ijma' des salafs et des ulama sur différentes questions. Il y en a d'autres aussi qui sont écrits sur ce sujet-là. Donc les questions de divergence sont claires, les questions de consensus sont claires aussi. Donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui de ramener ces histoires, parce qu'il y a des gens qui ramènent des khilafs, des divergences qui sont très très anciens, ils les ramènent aujourd'hui comme si c'était nouveau, hein, et ils les ramènent comme des débats, comme des discussions, comme si c'était quelque chose qu'ils ont découvert au XXe siècle, alors que c'est des khilafs qui ont des siècles, qui existaient entre les musulmans depuis des siècles et des siècles. Donc, il y en a qui veulent juste, disons, disputer ou débattre avec ces questions-là, et qui ramènent ces khilafs parfois, qui sont des khilafs très anciens, à des savants d'aujourd'hui. Hein? Comme il y en a qui vont dire par exemple, ah, Cheikh Al-Alban il a dit ça, Cheikh Ibn Baz a dit ça. Et ils s'imaginent que c'est ulama-là qui ont inventé ce khilaf. Alors que ce khilaf, il existait déjà à l'époque, depuis des siècles. Sauf que, ceux qui ont pris, parmi les savants d'aujourd'hui, il y a des savants qui ont accepté la position de certains ulama en se basant sur les preuves qu'ils ont ramenées, et il y a d'autres ulama qui ont accepté la position de d'autres ulama en se basant sur les preuves qu'ils ont ramenées. Et c'est pas ces ulama d'aujourd'hui-là qui ont inventé ce khilaf. Mais c'est des ulama qui étaient déjà avant, depuis longtemps, que depuis ce temps-là, le khilaf existait, depuis l'époque des salaf. Et donc, des fois, la question des khilaf, les divergences, elles sont mal comprises par les gens d'aujourd'hui, malheureusement, à cause du manque de connaissance de l'islam. Et que tu trouves que les gens qui divergent le plus entre eux, c'est les plus ignorants. Et les débutants surtout. Et les gens qui n'ont pas étudié. Tandis que si tu vois les ulama, comment les ulama réagissent aux divergences et comment ils se traitent les uns les autres par rapport aux divergences, on voit que c'est tout à fait un autre comportement. Aujourd'hui, parfois, on remarque que chez les frères et les sœurs, même parfois c'est pire chez les sœurs, elles agissent entre elles comme si la religion c'était un sujet de débat, d'argumentation et de dispute. Ils ne font que parler de religion pour se disputer, pour se dire « Ah non, t'as pas raison, oui t'as raison » et ça c'est interdit dans l'islam, on n'a pas le droit de se disputer et d'argumenter sur la religion. La religion c'est une question de « t'as la preuve, tu l'amènes, t'as pas de preuve, tu te tais ». C'est aussi simple que ça, hein. Tu sais pas, tu parles pas. Tu dis pas peut-être, je pense, et tu commences à spéculer. Non. Tais-toi jusqu'à ce que t'aies la preuve. T'as pas la preuve, ramène le livre. T'as pas le livre, tais-toi. J'ai lu, il y a des gens qui disent, ah, j'ai lu dans tel livre. Ou j'ai entendu, un frère m'a dit qu'il a entendu, tel cheikh a dit telle chose. Non. Tais-toi. Attends, ramène, quand t'auras la preuve, quand t'auras le texte, quand t'auras le livre devant toi, quand tu auras les explications claires, amène-le. Mais d'ici là, pourquoi tu veux rentrer dans des débats sur la religion? Tu vas gagner quoi? Une médaille? Un trophée? Hein? Le grand prix? Non. Tu risques de gagner le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, en parlant à propos d'Allah et de sa religion sans elle. Donc, ça c'est l'attitude de certains musulmans malheureusement aujourd'hui. Et la religion c'est pas pour ça, c'est pas fait pour ça, la religion c'est pas fait pour argumenter, c'est pas fait pour débattre, la religion c'est une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, plus on cherche l'ilm, plus on sait comment agir. Et il y a un autre extrême des gens qui, quand ils parlent des khilafs, eux ils veulent mettre tout là-dedans. C'est-à-dire là on a montré comment les savants entre eux, comment, quand ils divergent sur des questions d'ijtihad. Et ils se respectent les uns les autres quand ils se réfutent. Maintenant, il y a des gens qui divergent dans des questions sur lesquelles il y a des consensus. Et ils suivent leur passion et ils vont en contradiction avec les textes clairs du Coran et de la Sunna. Et ils amènent des bid'ahs, et ils défendent des bid'ahs, et ils défendent des choses qui sont contraires à la Sunna. Et ces gens-là, ils veulent le mettre à égalité avec ceux qui font des ijtihad. Ils veulent essayer de dire, « Ah mais non, il a fait une erreur, le chef, ou bien il a fait une erreur, un tel. » Et il a fait un ijtihad, il faut pas le traiter mal, il faut pas le manquer de respect, il faut pas ci, il faut pas ça. Alors que c'est des mubtadi'a, c'est des gens d'égarement. C'est pas juste des divergences d'opinion qui sont justifiées, non. Qui sont basées sur des preuves, non. Wa alaykum salam, Abdul Malik. Y a pas de problème, akhi. Mohamed. Salam alaykum, akhi. Je pense qu'il y a personne. Ouais, ici, c'est bon, akhi. Donc, c'est ça. C'est des gens qui veulent suivre des bid'ahs, hein, et qui veulent défendre les gens dans la bid'ah. Par exemple, des gens qui veulent, par exemple, supporter, la bid'ah du Mawlid, al-Nabawi. Ou bien qui veulent, par exemple, supporter le takfir, ou bien l'idée de l'khuruj ala al-hukam. Ou bien qui veulent supporter, par exemple, les gens qui veulent, jouer avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou des trucs de ce genre. Des questions de l'islam qui sont des fondements de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, et ils essaient de jouer avec ça. Et là, ça c'est grave. On peut pas mettre ça à égalité et considérer que ça c'est des ijtihadat. Ou des gens qui disent utiliser la démocratie c'est permis, et des trucs de ce genre. Donc là, c'est pour dire, on met pas ces gens-là au même niveau et on fait pas des amalgames entre ces deux catégories-là, ces deux choses différentes. Donc, le cheikh il dit, on continue, وَالِجْتِهَادْ سَائِرْ وَهُوَ اسْتِنْبَاطُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّ مِنْ أَدِلَّةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلَكِنْ عِنْدَ التَّطْبِيقِ لَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَا قَامَ عَلَيْهِ الدَّلِيلِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ فلا يجوز لنا أن نأخذ ما خالف الدليل إما تعصبا لصاحبه وإما لأنه يوافق أهواءنا ويوافق رغباتنا بل المدار على الكتاب والسنة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا والعام يسأل أهل العلم ويأخذ بقولهم لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الشيخ الذكر الاجتهاد c'est quelque chose qui est permis, qui existe dans l'islam, l'ijtihad, d'accord? Et qu'est-ce que ça signifie le mot ijtihad? Ça vient du mot, ça vient de jahada, yujahidu jihadan, ça vient de ijtihada, la forme de ifta'ala, et ça veut dire de faire un effort dans l'extraction des verdicts de la charia, des textes du Coran et de la Sunnah. Donc tu veux savoir à propos de telle ou telle chose, est-ce que c'est haram ou est-ce que c'est halal, ou est-ce que c'est mubah ou est-ce que c'est makruh, ou est-ce que c'est halal, hein, tu veux savoir le verdict, qu'est-ce que tu trouves pas par exemple un texte clair qui parle de ce sujet-là dans le Coran et dans la Sunna, donc tu fais un ijtihad. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, tu vas te baser sur les textes de référence du Coran et de la Sunna pour essayer d'extraire un verdict pour savoir si cette chose-là elle est halal ou haram. D'accord? S'il y a un texte spécifique, clair et explicite au sujet de quelque chose, on n'a pas le droit de faire d'ijtihad dans ce cas-là. Par exemple, est-ce qu'on a le droit de faire un ijtihad pour savoir est-ce que c'est halal ou haram l'alcool? Pas besoin de faire l'ijtihad. Le verdict il est déjà clair. Allah il a interdit l'alcool. Est-ce qu'on a besoin de faire l'ijtihad pour interdire le riba ou le porc? Non, il est déjà clair dans le Coran et dans la Sunna. Si quelqu'un te demande, est-ce que le porc est haram dans l'islam, et tu dis, non, c'est haram. Est-ce que le porc est haram dans l'islam ou halal? Tu lui dis, non, le porc c'est haram. Il te dit, mais t'as pas le droit de dire que c'est haram, t'es pas un savant, t'es pas un mujtahid. Mais Allah il le dit dans le Coran. Qu'il a interdit la viande de porc, etc. Donc ça c'est, si je dis ça, si un alim, des fois les ulama, on leur demande aux ulama, c'est quoi le verdict de telle chose dans l'islam, par exemple le porc. Le cheikh il va dire, le porc dans l'islam c'est haram. Et ça c'est, il va dire, ça c'est une fatwa. Des fois la fatwa, c'est quelque chose qui est clair. C'est-à-dire le verdict il est déjà dans la charia, tu peux juste l'expliquer à quelqu'un. Mais des fois, quelqu'un se demande une question sur quelque chose qui n'est pas expliqué dans les textes directement. Et c'est là que tu fais une ijtihad pour arriver à comprendre le verdict. Par analogie, par trias ou des choses de ce genre. Et là, dans un cas pareil, c'est là que tu as besoin de certaines connaissances, de certaines bases pour arriver à le faire. Bon, alors c'est ça l'ijtihad, mais ça c'est pas n'importe qui peut le faire, comme le cheikh il dit. Il n'est pas permis de prendre dans l'application, il n'est pas permis pour nous de prendre, excepté l'ijtihad qui est basé sur une preuve parmi les paroles des savants. C'est-à-dire même quand il n'y a pas de dalil sur une question claire, il n'y a pas un dalil explicite et direct sur une question en particulier, les savants lorsqu'ils font une ijtihad, ils se basent toujours sur une référence ou sur une preuve ou sur un texte du Coran ou de la Sunna, pour faire une analogie quand même. Et donc tu peux savoir, même si la personne fait un ijtihad et qu'il n'y a pas un texte explicite et clair sur une question, tu peux quand même savoir si son analogie elle est valable ou non. Et tu peux quand même savoir si sa déduction elle est valable ou non. Est-ce qu'elle est fondée sur des principes qui sont en accord avec les principes de la charia ou non. Et dans ce cas-là, tu peux accepter ou rejeter une fatwa, accepter ou rejeter une ijtihad. C'est pas toutes les ijtihads des ulama qui sont corrects et qui sont valables et qui sont acceptables. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a aussi des gens, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils prennent des règles, des fatwas qui sont faites pour une personne en particulier, et ils veulent l'appliquer à tout le monde. Ou la rendre générale. Alors qu'elle est spécifique. Par exemple, quelqu'un qui est dans une situation de nécessité, et donc, étant donné qu'il est dans cette situation-là, les savants lui ont permis de faire quelque chose qui est haram parce qu'il est dans une situation de contrainte ou de nécessité. Eh bien, cette personne-là, elle, par la suite, elle prend cette question-là, ou cette fatwa, et elle la prend comme si c'était une règle générale pour tout le monde. Comme si, ah, ça c'est halal dans l'islam. Comment tu dis que c'est halal? Parce que le cheikh a dit que c'était halal. Il a dit à lui que c'était halal. Non, mais le cheikh, il a dit à lui que c'était halal dans son contexte à lui, dans sa situation à lui. Mais pas pour tout le monde. Et pas tout le temps. Donc, il y a des gens comme ça, malheureusement. Par exemple, les photos, dans l'islam, c'est haram. Mais il y en a qui disent non, les photos, c'est halal dans l'islam. Et ils se basent sur une fatwa qui dit que il y a des savants qui ont permis de faire des photos pour les cartes de citoyenneté, ou les cartes d'identité, ou les cartes de, les photos de passeport, hein, les choses officielles. Donc ils disent, bon, tu vois, ça c'est la preuve que c'est halal les photos. Mais ça c'est pas la preuve que c'est halal, c'est la preuve que c'est haram. Et le cas de l'exception, c'est ça. Donc, c'est pour dire, eux, ils veulent prendre l'exception et en faire une règle générale avec. Et ça, c'est très dangereux, en fait. Hein, c'est très, très dangereux. Et quand tu expliques aux gens par la suite le verset général, et que tu dis que c'est haram, eux, ils veulent que tu limites le verset, le verdict général, comme si c'était un cas spécifique, comme il y en a qui font le contraire. Il y en a des fatwas spécifiques, ils veulent les généraliser, et il y en a des fatwas générales, ils veulent les rendre spécifiques à une personne. Donc ils disent par exemple, non, dis pas que c'est haram, parce que toi tu sais pas ce que les autres ont comme situation, et des cas de contrainte, et des cas de nécessité. Oui, mais on fait pas des fatwas, les ulama ils font pas des fatwas par exemple, quand ils font des fatwas générales, ils font des fatwas pour tout le monde en général, puis les cas d'exception ou les cas de spécificité, ça c'est les cas, ces gens-là, eux qui ont des problèmes, qui ont des situations, eux vont aller demander pour qu'ils soient excusés ou qu'ils aient une permission dans ces situations-là dans lesquelles ils sont. Mais le cheikh, le alim, il ne va pas permettre la chose en général en pensant aux cas d'exception. C'est ridicule la façon dont ces gens-là pensent. C'est pour ça une fois j'avais fait le khutbah, j'avais parlé par exemple du riba, j'avais expliqué que ça c'était haram d'acheter une maison avec des intérêts, c'était haram de prendre des prêts à intérêt pour les études ou des trucs comme ça. Et là, il y a des gens qui n'étaient pas contents que j'avais dit ça parce qu'ils disent « ouais mais c'est pas pareil, il y a des gens qui ont des cas, c'est pas pareil, c'est spécifique, il y en a des gens qui ont des études, ils n'ont pas d'autres façons, d'autres sites, d'autres places. » Oui, mais la règle générale, c'est que c'est haram. Maintenant, si toi tu as un problème, ou tu as un cas spécifique, ou des trucs comme ça, appelle le cheikh, appelle l'alim, demande à ce cheikh, et sois honnête. Hein, sois honnête dans ta façon d'expliquer au cheikh, parce qu'il y a des gens qui mentent. Il y a des gens qui mentent au cheikh, ou qui lui cachent les informations, ou qui déforment la réalité, pour que le cheikh lui donne la fatwa qui va lui dire, qui va lui faire plaisir. Donc tu dois être honnête parce qu'Allah il sait ce qui est dans ton cœur et il sait la réalité. Donc tu lui dis au cheikh réellement qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ta situation, c'est quoi la réalité, et tu lui demandes de te donner le verdict dans ta situation, est-ce que c'est permis ou non. Le cheikh va te répondre. Si il voit que tu rentres, que ça rentre dans un cas de nécessité, il va te dire d'accord. Mais si ça va être pour toi seulement, mais si ça rentre pas dans le cas de nécessité, le cheikh va dire non, ça c'est pas dans le cas de nécessité. La nécessité, c'est pas nous-mêmes qu'on doit la décider, qu'on doit la juger, qu'on doit la déterminer. Il faut retourner aux savants pour leur demander. Sinon, on se permet tout par nécessité, même quand c'est pas des nécessités. Hein? Et une fois, il y a une histoire, j'aurais pu vous la raconter même pour terminer. Il y a un cas où un frère qui m'appelle, il me dit bon, voici ce qui m'arrive. J'avais un commerce et tout allait bien, hein, je rentrais dans mes économies, dans mes finances, et tout allait bien. Même si je faisais pas beaucoup, mais quand même, j'étais bien. Il y a un de mes proches qui est venu me voir, il avait une somme d'argent, 100 000 $ ou 200 000 $, je sais pas combien exactement. Il m'a suggéré, il m'a demandé, est-ce que je voulais pas investir avec lui pour ouvrir un autre commerce. Alors j'ai pensé et j'ai dit oui, c'est une bonne idée. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a emprunté de l'argent à tous les membres de sa famille. Même ils ont pris même de l'argent sur la maison ou des trucs comme ça. En tout cas, il a emprunté à tout le monde. Et il a mis toutes ses économies qu'il avait lui-même dans ce commerce-là. Et là, il a acheté tout ce qu'il fallait. Il a pris des avances de différentes compagnies pour avoir pour avoir les biens là qu'il allait vendre et en même temps les trucs qu'il a besoin comme les congélateurs, les réfrigérateurs, les trucs comme ça, le capital. Là, il a reçu des avances parce qu'il est connu comme quelqu'un qui paye à temps, tout ça, donc ils lui ont fait confiance, ils lui ont donné ces choses-là sans intérêt. Donc lui, qu'est-ce qu'il m'a expliqué? Il m'a dit, quand j'ai commencé à vendre et tout, au début tout allait bien, les gens venaient, ils achetaient et tout, et moi l'argent que je faisais, au fur et à mesure, je l'utilisais pour payer les dettes que j'avais à ces compagnies-là qui m'avaient donné de l'argent. Le problème, c'est que je n'investissais pas pour acheter d'autres marchandises. Et donc, à un moment donné, les étagères commençaient à se vider, et les clients rentrent, ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent, donc ils n'achètent pas. Et donc, ils commencent à rentrer dans la faillite. Et là, ils se retrouvent endettés, ils ne savent plus quoi faire. Ils disent, si je vais à la banque, et je leur demande un prêt, j'ai besoin de 400 000 $. Si je vais à la banque, et je leur demande un prêt, ils vont me le donner tout de suite, parce que j'ai une bonne réputation, et je suis connu comme quelqu'un qui paye, etc. J'ai pas de problème, je peux l'avoir l'argent la semaine prochaine. Mais je veux pas faire ça parce que je sais que c'est haram. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce que je peux faire. Il dit, je vais tout perdre. Je vais perdre non seulement le commerce que j'ai acheté là, mais je vais perdre celui que j'avais avant, la maison de mes parents, ma maison à moi, tout ce que j'avais, je vais tout perdre. Je vais plus rien avoir après. Donc, qu'est-ce que je fais dans une situation comme ça? Moi, je lui ai dit, écoute, mon frère, moi, je te jure, sincèrement, je peux pas te répondre. Alors, je vais téléphoner à un cheikh et je vais lui demander. Là, j'ai téléphoné au cheikh Falah Ismail au Koweït. Je lui ai expliqué toute la situation. Et je lui ai demandé la réponse à ce sujet-là. Le cheikh, il m'a dit, après avoir réfléchi bien, puis... il m'a demandé des questions plus détaillées et tout, là je lui ai expliqué et tout, il m'a dit, d'après ce que tu m'expliques là, lui, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu augmenter son capital et sa richesse, alors que ce n'était pas le strict minimum pour lui, il voulait augmenter en surplus, non pas dans ce qui était nécessaire pour lui. Et dans ce cas-là, le fait qu'il a dépasser la limite dans le surplus, il n'avait pas bien calculé son budget et ses affaires, il ne rentre pas dans la nécessité dans sa situation. Et donc il ne peut pas bénéficier de la nécessité pour dire qu'il aurait le droit de prendre un prêt, déjà parce que ça c'est haram. Hein. Et donc j'ai rappelé le frère puis je lui ai expliqué. Je lui ai dit voici, moi, que j'ai posé la question au cheikh et voici ce que le cheikh m'a répondu. Maintenant, si les fatwas c'était par rapport aux sentiments, aux émotions, puis à la pitié qu'on ressent pour les gens, bien sûr, hein, là on rendrait haram et halal selon nos désirs. Hein, des fois c'est comme ça, il y a des femmes qui t'appellent, qui ont des problèmes avec leur mari. Et la femme, quand elle te parle, tu prends pitié presque pour sa situation. Et donc, si tu te basais juste sur la pitié, sur les sentiments pour faire des fatwas, ben, là, il n'y aurait plus de religion qui pourrait tenir. C'est pour ça que le juge, quand il juge dans la charia, dans un tribunal islamique, il ne peut pas se baser sur sa pitié, ou sur sa colère, ou sur... Même un juge, quand il est en colère, il n'a pas le droit de juger. Quand il a faim, il n'a pas le droit de juger. Quand il est nerveux, il n'a pas le droit de juger. Il doit remettre à un autre moment. Et c'est pas par pitié non plus, il n'a pas le droit de juger selon sa pitié non plus. Il doit juger par honnêteté pour Allah subhanahu wa ta'ala et dire la vérité. Et donc c'est de clarifier la vérité aux gens. Toutefois, des fois, comme je disais tout à l'heure dans les forums, il y a beaucoup de sœurs qui écrivent et elles, elles parlent de leur cœur, par pitié parfois. Elles n'ont pas, non pas avec elles, non pas avec science. Et c'est dangereux parce que ça amène les gens à suivre leur passion et à tomber dans des erreurs graves à ce sujet-là. Donc, ça c'est juste un exemple que je vous ai donné par rapport à cette situation-là, pour faire comprendre que lorsque c'est un verdict général, c'est général. Si tu veux savoir quelque chose de spécifique, c'est, tu demandes spécifiquement. Mais attends pas, ne t'attends pas à ce que le cheikh va faire une fatwa générale pour des cas spécifiques. Et vice-versa. Donc, le cheikh ensuite il dit, juste on va terminer avec ça, le cheikh il dit, il n'est pas permis pour nous de prendre une position qui est contraire à la preuve parce que on est fanatique pour cette personne, c'est-à-dire pour ce cheikh ou pour ce savant-là. Il y a des gens parfois, si un savant dit quelque chose, automatiquement, pour eux c'est la vérité parce que c'est le cheikh qui l'a dit, et ils ne savent même pas est-ce que ce que cette personne-là dit est en accord avec ce que la preuve a supporté, et ça c'est interdit. Donc on n'a pas le droit de suivre une position d'un savant par fanatisme pour lui, et on n'a pas le droit non plus de suivre une position qui est en accord avec nos passions et nos désirs, parce que ça nous fait plaisir. Hein. Donc il y en a des gens, quand ils veulent trouver une réponse à une question dans l'islam, ils vont appeler tous les imams de Montréal, tous les mosquées de Montréal, ou même à l'extérieur de Montréal, ils vont tout faire pour trouver la réponse de celui qui va leur dire « Oui, allez-y, faites-le, c'est correct. » Et ça, ça veut dire que tu suis tes passions. Hein. Il y a un monsieur, une fois qu'il m'a appelé à la mosquée, il me demandait « Est-ce que c'est permis d'ouvrir une chaîne d'un restaurant en particulier ?» Il m'a pas mentionné le nom, il m'a mentionné le nom, mais je ne vais pas le mentionner moi. Et dans cette chaîne de restaurant, c'est une franchise, et dans cette chaîne de restaurant, ils vendent du porc. Il m'a demandé « Est-ce que c'est permis d'ouvrir un magasin avec cette franchise-là » Et on sait que lorsqu'on a une franchise d'une marque ou d'une compagnie, il est obligatoire pour la personne qui accepte cette franchise de vendre tout ce qui a été légiféré par cette franchise-là. Parce que c'est des marques qui sont en bourse et tout doit être pareil partout. Peu importe même le pays, tu vas trouver que c'est la même chose, même décor, même hein, partout où il y a ce restaurant-là. Donc, je lui ai dit, si quelque chose implique que tu vas vendre quelque chose, si un contrat implique que tu dois vendre ce qui est haram, alors c'est haram. Il dit, ben j'appelle un peu partout, j'ai appelé dans tous les mosquées à Montréal, et j'ai trouvé divergence d'opinion. Il y a des imams qui me disent, vas-y, il y a des imams qui me disent non. Alors je lui ai dit, est-ce que je peux te demander par curiosité, quelle mosquée t'as appelé où ils t'ont dit que c'était permis? Non, il m'a dit la mosquée Oumma. Il m'a dit la mosquée Oumma. Je lui ai dit, ah d'accord. Ils m'ont dit, ouais, tu veux faire du business, c'est bon le business, alhamdoulilah, vas-y. J'ai dit, mais est-ce que Oumma c'est au centre-ville? Est-ce que c'est oublié que... Ouais. Donc, c'est la mosquée de Saïd Fawaz, l'imam Saïd Fawaz, le Libanais. Donc, ouais. Et en passant, lui, quand une fois je l'ai vu à la télé, c'était Noël, qui tombait en même temps que le Ramadan, et il a dit, on souhaite la bonne joyeuse Noël aux chrétiens, aux frères les chrétiens et tout. Ouais. Et une fois, il y avait un référendum au Québec, pour savoir est-ce qu'on va séparer le Canada et le Québec, et il y avait une déclaration qui avait été signée par certaines personnes pour dire que aucun groupe musulman au Canada n'a le droit de représenter tout l'entité musulmane et de dire qu'il parle au nom de tous les musulmans et ainsi de suite. Il donnait des choses. Bon, c'était pas nécessairement mauvais qu'est-ce qu'il disait, mais c'est juste pour dire que en bas, quand tu lis les gens qui ont signé cette lettre, il y avait le comité des chiites de Montréal, il y avait le comité des drouzes, hein. Ben, les drouzes, même les chiites les considèrent coupables, c'est pour te dire. Les drouzes, c'est une secte, yani bâtinia, comme les ismaélites et les autres. Il y avait d'autres sectes encore comme ça, et c'est pour dire, souvent il allait même dans les mosquées des chiites, puis dans les associations des chiites, donc c'est pour dire que déjà son manhaj zéro, hein. Bil-aqida, Allahu alam, mais il y a des gros problèmes. D'accord? Donc, ça c'est pour dire, pour lui, c'était correct. J'ai demandé, est-ce que c'est Saïd Fawaz? Il m'a dit, oui, Saïd Fawaz. Donc, il a dit que c'était correct d'acheter cette franchise-là. Ah, d'accord. Ah, quand les gens lui faisaient des réprimandes, il les menaçait d'appeler la police? Subhanallah. Non, mais c'est lui à qui on a fait un coup d'État dans sa mosquée, justement. Il y a quelques années, il y a un groupe d'Ikhwan tunisiens, là. Ils ont fait un coup d'État dans sa mosquée, là. Ils ont pris des avocats contre lui, puis ils ont pris la mosquée, là. Ah ouais. Ça doit être Saint-Castin, ouais. En fait, c'est pas des magasins, hein. C'est des trucs de pornographie, puis il y a plein de prostituées dans le quartier. Mais là, ils sont en train de rénover, là, le quartier. Donc là, oui, même la mosquée. Ouais, c'est ça. Ah, ok, d'accord. Ah non, maintenant, ça y est, c'est rénové, maintenant. Mais comme je vous dis, Akhi et Ikhwa, les mosquées, là, si elles sont pas établies sur la sunna, elles sont la voie des salaf salih, eh ben, c'est juste des murs et des briques, et du plâtre, et des... Il y a une chose que vous devez comprendre. Qu'est-ce qui compte là? C'est pas les murs et les trucs. Hein, c'est pas les murs de la mosquée qui fait la mosquée. C'est les gens qui sont dedans. Les musulmans, hein, sont le sel de la terre. Si les musulmans sont pas sur la sunna et qu'ils défendent pas la vérité, eh ben, yani. Ils ne vont pas faire vivre cette religion, malheureusement. En tout cas, donc pour terminer, le cheikh il dit que quand il y a des questions d'ijtihad et quand il y a des divergences, il n'est pas permis pour nous de prendre la position qui est en contradiction avec la preuve claire par fanatisme ou par notre passion ou par nos désirs, mais on doit retourner au Coran et à la Sunna. Comme le verset 59 de Sourate An-Nisa nous l'ordonne, quand Allah dit « Et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et au messager, si vous êtes réellement croyant en Allah et au jour dernier, il y aura dans ça une meilleure conclusion, une meilleure interprétation. » Donc, ça c'est en ce qui concerne les gens qui sont capables de juger, de distinguer entre les arguments. Toutefois, pour la personne qui n'a pas étudié l'islam, qui ne sait pas lire et écrire, qui ne connaît rien, elle demande au savant et elle prend l'opinion du savant en qui elle a confiance. Comme Allah le dit dans le Coran, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Le verset 43 dans Surat al-Nahl, demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. Et ça c'est qu'est-ce qu'on doit faire si on ne sait pas, on demande au savant. Et pour spécifier encore plus, si quelqu'un entend deux savants qui disent deux choses différentes et qu'il doit choisir une des deux positions, eh ben, il devient, comme par exemple dans ce cas-là, il fait une ijtihad lui aussi, entre les deux positions, et il suit celle qui lui semble être la plus proche de la vérité. Mais il faut qu'il fasse preuve de sincérité et d'honnêteté. D'accord? Non. On a. Qui fait lui aussi une ijtihad, non? D'accord. Dans ce cas-là, si tu dis par exemple, il y a un chef qui fait une ijtihad et un autre chef qui donne une réponse clairement basée sur un hadith, dans ce cas-là, tu dois prendre celle qui se base sur la preuve. Oui. Mais on va revenir à ça demain, inshallah. On va rentrer plus dans d'autres détails que le cheikh Al-Fawzan a mentionné à ce sujet-là, inshallah. On va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.